Saviez-vous que des études scientifiques sérieuses ont prouvé que l'écoute de musique métal et de rock suggérait une réponse et un état psychique d'apaisement? Donc, il en résulterait un comportement plus tempéré et créerait chez les sujets une réceptivité plus grande de l'environnement dans lequel ils évoluent, l'ouverture d'esprit, ainsi que de faciliter la socialisation et l'évacuation des tensions quotidiennes. Donc, les groupes et associations, qui placent au banc des accusés et condamnent le métal et le rock auraient tort. Et selon moi, auraient aussi intérêt à s'y mettre eux aussi à cette écoute de cette dite musique satanique. Puisque lorsqu'on les voit, ce sont eux qui ont l'air hystériques et instables. En contrepartie, il y a des cocktails qui ne sont absolument pas recommandables, tels l'alcool et le volant. TVA et l'intellect. Mais s'il en est bien un qui est totalement dommageable, irrévocablement néfaste, c'est l'écoute de métal et de réanimation. C'est le mélange le plus dangereux qui soit, mais aussi le plus thérapeutique, puisqu'il vous lessive le cerveau et vous rend dans un état végétatif. Et on le sait, les plantes se foutent pas mal de ce qu'on pense d'elles. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il vous dira « Pauvre vous, vous avez une grande carence en fer, mais il n'en reste plus, alors je vous injecte cette surdose de métal, et demain, je prendrai soin de vous en vous arrosant. » Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. « Cause fear is my fucking business. We are undead incorporated, cause I, Pendragon, said so. » Good old crossover. Go! We'll be right back. Well, je ne vous souhaite pas les bienvenus. En cette dernière édition du Mois des Morts, 28 novembre de l'an de disgrâce 2017, je suis Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Quoi de mieux que d'ouvrir avec du bon vieux crossover? Il y a plein d'autres choses qui auraient été bonnes aussi, mais ça c'était bien. Stormtrooper of Death, formation de New York. Ex-formation de New York. Ex-formation tout court, finalement. Et la pièce Kill Yourself, tirée de leur premier album Speak English or Die, paru en 85 sur Megaforce. Premier album, et finalement, le seul qui en vaille vraiment la peine. Faut dire qu'il y en a deux. Juste avant, Crumbsucker de New York également. Crumbsucker, c'est une formation qui a vu le jour en 1982. Mais en 91 officiellement sous le nom de Crumbsucker. Une formation qui a repris du service en 2014, mais pour rien de nouveau au niveau du studio. Probablement des spectacles comme bon nombre le font. La pièce étant Trapped, qu'on retrouve sur leur premier album Life of Dreams, qui lui est paru en 86 sur Combat Core. Nous avions ouvert avec formation de Agnostic Front. Une formation qui... Bon, là, on dit d'eux qu'ils sont les fondateurs du punk hardcore new-yorkais. Ce à quoi je pourrais dire que c'est possiblement vrai. Formation qui a quand même, je pourrais dire, pris certaines tangentes au fil du temps. Le premier album connu, Victim in Pain, parce qu'en 83, il y avait United Blood. Mais Victim in Pain était un album qui était beaucoup plus à tendance, je dirais, punk, oui, effectivement. Alors que la pièce que j'ai extraite, soit Existence of Hate, est tirée du deuxième album officiellement, Calls for Alarm, paru en 86 sur Combat. Lui, on sentait déjà une petite... influence métal, d'où le crossover bien entendu, parce que par la suite Agnostic Front ont continué avec des albums qui se sont enchaînés avec exemple Liberty and Justice for All qui était beaucoup plus hardcore, One Voice, Last Warning qui est un album live, ainsi de suite. Donc formation qui existe toujours d'ailleurs, mais par contre il ne reste de la formation je dirais, entre guillemets, classique, que Vinny Stigma à la guitare et Roger Merritt au vocal. Ce soir, à l'émission, la représentation d'une nouveauté, une formation italienne qui porte le nom de Game Over. Je parle de leur quatrième album, je crois. Ainsi que, je n'avais pas annoncé la semaine dernière, parce que je n'avais pas réalisé que c'était la dernière émission du mois de novembre, mais oui, merci de me le rappeler. Toujours très serviable sur Horace. Effectivement, Horace a raison, il y a la présentation de l'album marquant, puis c'est la dernière émission du mois, et qui, cette fois-ci, s'adressera à une formation de Caroline du Sud, qui porte le nom de Nile. Bref, un album fantastique qui est paru en 2007, leur cinquième, Etifalic. Ça sera un peu plus tard dans l'émission. Il y a aussi une chronique cinéma, et cette semaine elle est quand même correcte, là. Il y a des bons trucs de cette chronique cinéma, mais la chronique série télévisée, elle est vraiment hâte. On poursuit sans plus attendre avec, là ça va vous faire peut-être un peu plus mal, avec une formation de la Floride, de Tampa, qui a fait paraître son 14e album le 3 novembre dernier. Je vous parle de Cannibal Corpse. Let's go! Of the dawn in idolatry. Die.

Votre soif d'émergence avec nous, Auréane Clavet et Liliane Flynn, les pas sortables, tous les mardis de 16h à 17h sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Oh, les lundis, la semaine recommence, puis les mercredis, il en reste la moitié à faire. Un petit 5$ pour te remonter le moral? Avec chaque tranche de 50$ chez IGA Extra Paquet, on te donne 5$ de rabais. Au IGA Paquet, on a plein de mets préparés sur place, de repas pour emporter, de produits spécialisés et 500 sortes de bières. Fait que les lundis et mercredis, apporte ta carte étudiante puis économise 5$ par tranche de 50$ d'achat juste au IGA du boulevard des Forges, juste pour les étudiants. Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait que attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou, 89.1. Vous êtes à réanimation des Undead Incorporated Show. Et où ça? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Seul qui passe du métal ou c'est brutal. On vient d'entendre la formation d'Allemagne, de Berlin plus précisément, Matt. Une pièce tirée de leur deuxième et dernier album qui porte le nom de Monuments Will Enslave, qui est paru le 3 mars dernier sur Oral Attack, soit étant Spread My Word. Formation qui... vous aurez probablement pu le deviner, dans un style assez death metal, dont la thématique et la mythologie de l'ancienne Égypte. Juste avant, nous avions Beheaded, les Maltais de Malte, la pièce Descent into Sanguinary Seas, tirée de leur quatrième album, Never to Down, qui est paru le 6 novembre 2012 sur Unique Leader. Et nous avons ouvert avec, vous les avez probablement reconnus, Cannibal Corpse de Floride, Tampa, soit Shedding My Human Skin, tiré du dernier album paru le 3 novembre dernier, soit Red Before Black, leur 14e sous étiquette Metal Blade. Cela m'amène à vous parler de la première nouveauté. Ben, je dis la première nouveauté, ce sera la seule nouveauté de la soirée et de la semaine, en ce qui me concerne, bien sûr. Je vous parle d'une formation italienne de thrash metal. Ils viennent de Ferrara, Ferrara, pardon, en Italie. Je parle de Game Over, formation de trash qui existe depuis 2008 et qui donne dans un... Spécialement, ils sont... leurs influences sont les films d'horreur. Je parle de leur quatrième album, Claiming Supremacy, qui est paru le 17 novembre, c'est-à-dire vendredi dernier, sur Scarlet Recording. Scarlet Records, pardon, je corrige. Formation Game Over, ben voilà, c'est une formation que j'ai suivie. C'est relatif, oui. Mais dès le premier album, For Humanity, Burst Into the Quiet, j'avais découvert la formation. Il y a simplement le troisième album, Crimes Against Reality, que je suis passé outre et tout droit de sur cette sortie de 2016. Mais comme je le dis dans ma chronique, malgré le fait que le thrash metal dit traditionnel a démontré à bon nombre de reprises son essoufflement et sa redondance, le thrash ne baisse pas ses guitares et continue de produire des albums et des groupes issus de sa légion métallique. Ceci dit, il y a encore quelques formations qui, sans être originales nécessairement ou encore spectaculaires, réussissent à faire du matériel intéressant. Pas pour autant extraordinaire, mais fort correct. Et voire original, bien sûr. Et c'est ce que font les cinq membres de Game Over, un thrash metal honnête et correct. Game Over, cinq membres. Le groupe est constitué de Alessandro Sansone à la guitare, Luca Zironi à la guitare et au vocal, Renato Ciccoli au vocal, ainsi que Anthony Dantone à la batterie. La moyenne d'âge du groupe est d'environ 25 ans, donc c'est un groupe assez jeune. Et cet album-là, qui porte le nom de Claiming Supremacy, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé correct. J'ai accordé une note de 6,5 sur 10. Bon, pour plusieurs, dont Sinistros, entre autres, me dirait 6,5, c'est parce que t'as pas aimé ça. Non. Moi, j'ai beaucoup plus de nuances dans ma façon de noter mes appréciations, parce que je pourrais facilement faire des 6,9, des 6,7 et des 7,3, mais je trouve que ça deviendrait un peu insignifiant. Donc, 6,5 pour moi, c'est simple. En bas de 5, ça passe pas. Et ça passe pas du tout. Et en bas de 4, j'ai des hauts le cœur. Mais en haut de 5, en haut de 6, j'ai trouvé des choses intéressantes. À 6,5, j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'écouter deux pièces qui sont tirées de ce quatrième album, soit les pièces Two Steps in the Shadows ainsi que Last Before the End. Game Over, let's go! What? Italien Game Over, deux pièces tirées de leur quatrième parution, parue le 17 novembre dernier, vendredi dernier, soit Claiming Supremacy sous étiquette Scarlet Records, soit les pièces Last Before the End, qui était précédée, c'est la troisième de l'album, qui était précédée par la deuxième Two Steps in the Shadows. Ben, comme je disais en présentation, c'est pas rien de super original. Rien de nouveau, encore moins. Mais ça fait le travail, c'est correct, c'est honnête comme trash metal. Et j'y ressens à certains moments, dans ces deux pièces-là, en fait, maximalement dans la première aussi, mais à quelques endroits, dans différentes pièces de l'album, j'ai ressenti une espèce d'influence hand tracks au niveau de certains airs, certains riffs de guitare aussi. Donc, est-ce qu'ils vont passer le test du temps? C'est à voir, comme beaucoup de formations trash metal, beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais surtout beaucoup d'appelés, mais peu de persistants. C'est indéniablement un style qui a été vu sous toutes ses coutures, qui a été expérimenté de A à Z et de Z à A aussi. Il y a plus grand chose à en espérer au niveau d'originalité du trash metal, mais il y a encore moyen d'y trouver son compte pour ne serait-ce que des groupes qui ont une certaine, je dirais, qualité pour le moins. Et je constate que Game Over en font partie. Dans quelques instants, ce sera la présentation de l'album. Je dis quelques instants, quelques minutes, l'album marquant du mois, qui est celui de Nile. Mais avant, nous allons aller faire un... Avant d'aller au niveau de la chronique cinéma et série télé, je vais vous dire que la semaine prochaine, les présentations de nouveautés seront de type morbid, effectivement, parce que je vous présenterai la nouveauté, le deuxième album des Espagnols de Morbid Flesh, So Right Into the Mangled, qui vient tout juste de paraître. L'album que j'ai trouvé assez intéressant, finalement. Mais surtout, ce vendredi, c'est la parution du 10e album des Floridiens de Morbid Angel et l'album Kingdom Disdained. J'ai eu le plaisir d'écouter 3 ou 4 pièces jusqu'à présent et je peux vous dire une chose, c'est du Cold Road Morbid Angel. Donc, avec le retour de Steve Tucker, bien entendu, au vocal et à la basse. Donc, il ne reste finalement que Trey Azaktot de la formation originale de Morbid Angel. Bah, originale, entre guillemets, effectivement. Donc, c'est la semaine prochaine, la nouvelle bande de Morbid Angel ainsi que celui de Morbid Flesh. Donc, des nouveautés sous le signe de la morbidité. On va aller en pause publicitaire. Non, on n'ira pas en pause publicitaire du tout. Qu'est-ce que tu... Ben oui, je sais, je me suis encore trompé, désolé. Oui, t'as raison, Aras. C'est tantôt la pause publicitaire par publicitaire parce que là, on va y aller avec la chronique cinéma. Chronique cinéma qui... Je dois dire que j'ai vu des bons trucs quand même. Ouais, effectivement. Dans ce qui est à venir à l'affiche au grand écran, ben ce vendredi 1er décembre, c'est Gangsterland, ou si vous préférez, qui porte le titre aussi de In the Absence of Good Men. C'est un film, bien sûr, de gangster, vous l'aurez deviné, et qui traite surtout de l'ascension de Al Capone. Ça risque d'être intéressant, j'aime bien ce genre de film-là, moi. Le 15 décembre, ben, c'est la sortie de Star Wars The Last Jedi, bien entendu. Ainsi que le 5 janvier prochain, ben, c'est le... je sais plus, c'est le quatrième, là. Troisième ou quatrième, Insidious de Lasky. Bon, c'est peut-être pas nécessaire, mais on verra. Dans ce que j'ai pu voir, ben, sous le conseil d'une de mes amies, nous avons écouté un film de science-fiction fantastique et d'action et Institut J'en passe des meilleurs, qui est une réalisation de Luc Besson, c'est Valerian and the City of Thousand Planets. Un film de science-fiction qui raconte l'histoire d'un peuple qui a été anéanti de sa planète, dont la planète a été anéantie plutôt et qui a dû errer pendant plusieurs temps dans l'espace, dans un vaisseau abandonné, pour tenter de retrouver les moyens nécessaires de rebâtir sa civilisation, si on veut. Ça se passe au 21e siècle, donc c'est la semaine prochaine, ça. C'est un bon film, et je spécifie. Luc Besson, c'est pas un cinéaste qui fait les choses à la légère, généralement. C'est un gars qui a énormément de soucis du détail. Il s'attaque à un sujet et, généralement, il essaie de bien le posséder. Donc, c'est un film qui, au niveau du visuel, de l'imagerie, est vraiment spectaculaire. C'est un film qui est grandiose, des prouesses techniques incroyables. Mon ami qui me l'a conseillé me faisait un peu le parallèle avec... j'ai un blanc de mémoire. C'est quoi ce super film d'animation-là, là, qui a déjà 4 ou 5 ans, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Anyway. Techniquement parlant, c'est vraiment impeccable. Là. C'est absolument grandiose. Des effets spéciaux formidables. L'histoire est intéressante aussi. Le scénario, il est bien. Par contre, ce que je lui ai reproché... Et je dirais pas de façon massive, mais petit reproche, il en est. C'est que on en a fait un film un petit peu trop familial à mon goût, un film la connotation un petit peu Walt Disney sur les bords. Là. Évidemment, pour ratisser plus large, c'est une question de gros sous. Mais ça a atténué peut-être un peu l'effet de captivation. Mais surtout, les deux protagonistes principaux, qui sont joués par Dane DeHaan et Cara Delevingne, pour moi, c'était un peu ridicule de les choisir au niveau du casting parce qu'ils ont l'air d'adolescents alors qu'ils jouent un major et l'autre une lieutenant dans les forces spéciales. Des coalitions intergalactiques de l'humanité. Moi, je les ai trouvés très peu crédibles. On a pris des gens qui ont l'air d'avoir 14 et 15 ans, là. Alors que, je m'excuse, à moins qu'au 28e siècle, devenir major, ça prend une semaine, là. Ça m'étonnerait énormément. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'aspect principal que je lui ai reproché. Parce que pour le reste, c'est un film qui est très divertissant. Quelques petites longueurs, mais quand même, dans l'ensemble, c'est un film fort correct. L'autre film que j'ai écouté, c'est un trailer d'aventure, mais c'est aussi un biopic, si on veut. Il s'appelle Jungle. C'est un film de Greg McLean qui met en vedette Daniel Radcliffe, effectivement, le Harry Potter, ainsi qu'Alex Russell et Thomas Kretschmann, et qui raconte l'histoire vécue en 1981 de trois jeunes hommes avides d'aventure qui se rencontrent en Bolivie et qui se font accoster par quelqu'un. Ben, en fait, l'un des trois se fait accoster par un personnage pour le moins énigmatique qui leur offre une aventure extraordinaire dans la jungle amazonienne de la Bolivie pour découvrir possiblement des richesses dont les rivières gorgées d'or, ainsi qu'une tribu qui n'a jamais été découverte par personne. Et comme il y a un photographe dans le groupe, ben, lui, on lui fait miroiter du National Geographic, donc absolument. Ils décident d'y aller. Ils sont très mal préparés et ça vire vraiment au désastre. En plus que leur guide n'est pas nécessairement celui auquel ils se seraient attendus à pouvoir se fier. Bref, Jungle, c'est un film qui raconte une histoire vraie, comme je le disais. C'est vraiment tragique. Il y a des moments qui sont un petit peu durs, je dois le dire. Quoique, je parle pour le commun des mortels, donc je ne suis pas, évidemment. Mais aussi, l'imagerie, le graphisme est vraiment très beau. C'est très majestueux. C'est très étouffant aussi par moments. Mais c'est un bon film. C'est un film qui s'il est fidèle à l'histoire réelle, a dû être un véritable enfer pour ces personnages-là. Donc, Jungle, c'est un bon film. Mais définitivement, mon coup de cœur et mes éloges vont à cette série de Steve Lightfoot, une série de Marvel et de Netflix qui est The Punisher, la première saison de The Punisher qui met en vedette, je dois le dire, le très bon John Bernthal dans le rôle bien sûr, de Frank Castle, ce fameux Punisher, qu'on a vu dans la série Daredevil, bien sûr, et qui jouait déjà celui qui était en devenir du Punisher. On a vu aussi dans le très bon film Fury, aux côtés de Brad Pitt. C'est vraiment un très bon acteur. Et il est parfait dans le cadre du Punisher. C'est vraiment... J'en suis un peu plus qu'à la moitié de la série que je vais poursuivre certainement ce soir, et je suis complètement enchanté par la façon dont on amène le personnage, l'évolution du personnage, le caractère et la psychologie du personnage, et de ce qui va autour aussi, de ce qui gravite autour du protagoniste. C'est vraiment très bon, de Punisher. J'ai vraiment hâte à la deuxième saison, et je souhaite ardemment que Netflix et Marvel disent oui, le succès a été suffisant, on en fait une deuxième. Bref, The Punisher. On va en pause publicitaire et on revient avec la présentation de l'album marquant de ce mois-ci. Vous êtes assez fou? 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Fidèle à son habitude, la Maison de la culture de Trois-Rivières présente une programmation 2017-2018 riche et variée. Voyez-y de la chanson avec, entre autres, Philippe B, Tire le Coyote, Béris, Geoffroy et Émile Bilodeau. Laissez-vous surprendre par les spectacles de danse des compagnies K-Public et Virginie Brunel. Et initiez vos enfants et vos ados au théâtre grâce aux séries Théâtre Enfant-Jeunesse et Exit Théâtre. Pour la programmation complète, consultez enspectacle.ca. Une présentation de Cogeco. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Ah, oh, les lundis, la semaine recommence. Puis les mercredis, il en reste la moitié à faire. Un petit 5$ pour te remonter le moral? Avec chaque tranche de 50$ chez IGA Extra Paquette, on te donne 5$ de rabais. Au IGA Paquette, on a plein de mets préparés sur place, de repas pour emporter, de produits spécialisés et 500 sortes de bières. Fait que les lundis et mercredis, apporte ta carte étudiante puis économise 5$ par tranche de 50$ d'achat juste au IGA du boulevard des Forges, juste pour les étudiants. Vous êtes à Cibou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Thank you. 19h59, vous êtes à Cifou 89.1 FM et qui plus est réanimation des Undead Incorporated Show. L'album marquant du mois s'attarde à la formation de Caroline du Sud qui existe depuis 1993 et qui porte le nom de Nile. Oui, tel le Nil d'Égypte, puisque évidemment, cette formation dont la thématique est l'ancienne Égypte, la mythologie, les rituels et tout ce qui a rapport à Lovecraft, eh bien, tire son nom, bien sûr, de ses influences. L'album étant Etifalik est un album marquant dans la discographie de Nile, s'il en est peut-être le plus emblématique et peut-être le plus, je dirais, flamboyant. Leur cinquième, paru le 17 juillet 2007. C'est un album que j'ai découvert, et c'est un album, et je dois être honnête, un album et un groupe que j'ai découvert grâce à mon ami, le rockmaster Alain Lefebvre, qui m'avait gentiment donné cet album dans une très belle édition vinyle double, avec des disques de couleur bronze, pour me dire, docteur, t'aimes ça, le death metal, tu vas aimer ça. Et j'avais adoré, bien entendu. Et j'étais fort surpris, mais j'y pense encore aujourd'hui. Comment se fait-il que ce soit le Rockmaster qui m'ait initié à ce groupe death metal? Bref, question sans réponse. Etifalik, c'est un album qui, comme tous les albums de Nile, est conceptuel, bien entendu. C'est un album sur lequel on retrouve des titres qui ont... Je vais vous le lire seulement une fois, là. Non, deux fois. Papyrus containing the spell to preserve it processor against attacks from he who is in the water. Donc, des titres sont très évocateurs de tout ce qui peut être justement les évocations ainsi que les conjurations des croyances de l'ancienne Égypte. Bref, c'est un album qui est vraiment très, très bon. Je vous propose d'aller écouter la face 1 complète de cet album, Etifalik. Et vous allez en avoir pour 26 minutes. Donc, si vous aimez pas Nile, là, mettez pas son nom plus à TVA. Je vous garantis que ça va être payé. Nile et Etifalik, vous êtes à réanimation. Let's go. With the Game. Destroy.

Jones. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. 89.1. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. Les productions Joshua et le Gambrineuse de Trois-Rivières présentent Fort Jazz et Francis Périgny le 5 décembre prochain. Pour une deuxième année, les spectateurs auront droit à une soirée spéciale Noël, accompagnée de ces artistes talentueux pour seulement 7$ à compter de 21h. Réveillonnez à 20h le 5 décembre avec Fort Jazz et Francis Périgny au Gambrineuse de Trois-Rivières. Pour plus d'informations, visitez gambrineuse.qc.ca ou la page Facebook du Gambrineuse. Sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. C'est fou, 89.1 FM. FM. ...20h30, vous êtes à réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. On vient d'entendre la présentation de l'album marquant du mois de novembre qui s'attardait cette fois-ci à Nile et l'album Etifalic, cinquième album de la formation paru le 17 juillet 2007 sous étiquette Nuclear Blast. On a entendu exactement 50%, en nombre de pièces, peut-être pas en temps. Quoi qu'il dure 49 minutes, on en a eu... on a eu plus que 50%, effectivement. De cet album, soit avant la pause publicitaire, la pièce Eat of the Dead, qui était préférée par, je vais encore le dire, le Papyrus Containing the Spell to Preserve Its Possessor Against Attack from the Who is in the Water. Juste avant la pièce titre, Etifalic, As He Creates, So He Destroys, et en ouverture d'album, soit la première pièce, What Can Be Safely Written, pièce grandiose avec cette introduction absolument digne de, je dirais, de toutes les plus grandes, productions épiques. J'espère que vous avez apprécié, c'est un très bon album, et si cela aura permis pour vous de découvrir cet album ou ce groupe, eh bien, je m'en fous complètement. Voilà. Nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec un bloc de formation métal québécoise, chose que je ne fais pas très régulièrement, je dois avouer. Peut-être parce que j'y pense pas, tout simplement. Mais un triplé de groupes québécois dans lesquels on va entendre la formation Beyond Creation, Insurrection ou Insurrection, et tout de suite à l'instant. Ben, ceux qui ne nous ont pas sorti rien de nouveau depuis 1999, mais qui, semble-t-il, existent toujours, c'est-à-dire Oblivion. Let's go. Salut, ici Pierre Hilliard de Oblivion. Vous êtes sur les ondes de CIFU 89,1 FM à Trois-Rivières. Projection out of the depths of your mind. It's all a vast overconscience linked to the top of your spine. Man's a fragment of oneness in the cosmic kenosis. Watch your own savoriness from the saucer genesis. Look in the glass that's made of flesh.

j'ai fait de mes propres mains. Vous écoutez Réadresse. Tiré de leur deuxième album Earthborn Evolution, paru le 24 octobre 2014 sous Seasons of Mist. Entendu Beyond Creation et la pièce Illusive Reverence. Juste avant de Gatineau, Beyond Creation Montréal, de Gatineau, Insurrection, si vous préférez Black Page, qu'on retrouve sur Prologue, le premier album paru le 28 octobre 2016 de façon indépendante. Et nous avons ouvert avec Oblivion et la gentille présentation de Pierre Rimiard, la pièce Glass Made of Flesh tirée sur Carnivore Mortal Mouth, le quatrième et dernier album est paru en 99 de la formation. L'étiquette hypnotique. Je vous rappelle que cette semaine, ce vendredi dès 11h, ici même, c'est fou. C'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Et cette semaine, le Rockmaster René Lefebvre présentera la première partie de la rétrospective de Rock Classique. Rétrospective 2017, bien entendu. Et peut-être intéressant pour les amateurs de multi-collaboration, c'est que la dernière présentation de la rétrospective de Rock Classic se fera avec le Rockmaster, bien sûr, ma compagnie et celle de notre ami DJ Tower of Death, de l'émission Subversion. Ça risque d'être assez intéressant au niveau des commentaires et des divers échanges, en plus des présentations musicales, bien entendu. Justement, si vous aimez le métal, eh bien, ce vendredi, DJ Tower of Death présente sa subversive Subversion dès 18h30, qu'on retrouve maintenant actuellement, semble-t-il, uniquement sur SoundCloud. Donc, mais c'est tellement facile de l'amener partout avec vous. Donc, Subversion, le Metal Show, ainsi que le blog de notre ami Sinistros, hurlemort.com, avec ses diverses chroniques et appréciations cinématographiques, musicales, j'en pense, c'est des meilleurs. À 21h, c'est Matière Noire. Restez avec nous. Le temps à peine de vous passer, certainement la pièce de Monolith Death Cult, formation des Pays-Bas, soit From the Stalinic Perspective, qui est tirée de Versus, leur sixième et dernier album paru le 5 mai dernier. Et peut-être un petit bout de Flesh God Apocalypse, mais j'en doute. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la présentation Morbide, c'est-à-dire je vous présenterai une nouvelle parution de Morbid Flesh, formation espagnole, ainsi que de Morbid Angel et l'album Kingdom's Disdain, leur dixième en carrière. Donc sur ce, allez tous vous faire foutre, c'est eux. us, Vanden from another realm, these resurrected ghosts of a previous nightmare. Every place where there's hate, where there's despair, where there's boredom, it is alive and always undead. It is alive so long as failure exists. Heed these words when it comes to your town. Remember it when you hear it screaming out to others. Remember it when you hear its name called. A record store attacked. Any blind, unreasoning assault on people or any human being and on the fundamental canons of truth, honesty, justice, grammar, and good taste in general. Along with death cultists still alive.